Les romans. Je profite de l'évocation de mon livre de chevet pour m'infiltrer dans la brèche et glisser quelques mots sur ma passion de la lecture. Mes amis Lolek et Danka possèdent une très grande bibliothèque, grâce à laquelle j'étanche depuis longtemps ma soif de romans. C'est Danka, la lectrice du couple. Lolek se méfie de la fiction. Il la combat en se plongeant dans des revues spécialisées ou en suivant les reportages à la télévision. Il est amusant d'avoir pour ami un homme pour qui la réalité a autant de charme. Ne dit-on pas que les contraires s'attirent? Je l'étonne tout autant qu'il me sidère parfois, quand nous nous racontons nos vies respectives. Il me laisse mes goûts, je lui rends l'appareil. Ce n'est pas facile, car nous sommes deux êtres humains, par essence convaincus d'être chacun dans le vrai, mais nous avons appris avec le temps. C'est donc Danka qui me fait découvrir de nouveaux auteurs. Nous adorons parler de nos lectures à table, pendant que Lolek fait mine de se raser avec le poing. Je souffre de quelques obsessions, dont celle-ci. Quand j'ai beaucoup aimé un roman, j'ai envie de connaître l'œuvre intégrale de son auteur. Tous ses livres, les bons comme les mauvais, car même mes écrivains fétiches ont leur faiblesse, bien que je sois d'une totale mauvaise foi à ce sujet, ainsi que les biographies qu'on lui a consacrées. Je suis déçu parfois. Cette mienne manie met parfois Danka dans l'embarras, car en dépit de l'étendue et de la variété de sa collection, elle ne possède pas tout. Aussi est-elle souvent obligée d'emprunter certains livres à des amis ou à la bibliothèque de la grande ville dont elle a la carte. Je la soupçonne même d'en acheter certains spécialement pour moi. Elle corne quelques pages pour me faire penser que le roman a déjà été lu, mais à l'odeur du papier neuf, trop tassé, je devine son subterfuge. Lolek et Danka sont d'une gentillesse sans pareille avec moi. Je suis conscient que je ne les mérite pas. Je n'ai jamais compris la raison pour laquelle ils acceptent encore de faire partie de mes amis. Je leur offre parfois en marbre, et quand ils viennent manger, ils ne repartent jamais sans un panier rempli de légumes, de fruits et d'œufs. Ce n'est pas grand-chose, je sais, mais je suis parfois en peine pour leur exprimer mon amour. Au moment où je voudrais le faire, je me souviens à chaque fois qu'un dieu facétieux m'a complètement privé de ce moyen d'expression. Quand les mots restent coincés à l'intérieur, une petite attention peut remplacer les phrases qu'on n'a pas su articuler.